Chapitre 14e, où le major passe pour un philanthrope. « Ceci est maladroit, » dit le major quand sa visiteuse tomba insensible à ses pieds. « Pauvre créature, et tout cela à propos d'un enfant pâle et chétif. Qui penserait jamais qu'il y a tant de sentiments dans le monde ?»« En parlerai-je à Ada ?»« Non, cela pourrait être dangereux. Qui sait ce que ce niais d'Arthur n'a pas avoué ?» Le major sonna. Monsieur Salamons répondit à cet appel avec une promptitude exemplaire. « Envoyez-moi la femme de chambre de Mrs. Varney, avec de la corne de serre, de l'eau froide et toute la pharmacie réconfortante, » dit le major. « Mrs. Walsingham vient de se trouver mal. » Un peu de vinaigre aromatique tenu sous les narines de la pauvre femme lui fit promptement reprendre connaissance. On la souleva sur son fauteuil qu'on roula jusqu'à la fenêtre. Elle regarda autour d'elle d'un air embarrassé, mais en voyant le major, elle se rappela tout ce qui s'était passé. Comme tous les gens calmes, elle montra un grand pouvoir sur elle-même. « Je suis mieux, merci, » dit-elle. « C'est bien absurde à moi de me trouver mal. Vous n'avez plus à vous occuper de moi, » dit-elle à M. Salamons et à la femme de chambre. « Je serai bien aise de continuer notre conversation, Major Varney, et je tâcherai de ne plus vous interrompre aussi ridiculement. » Les domestiques se retirèrent, et Mrs. Walsingham et le major se retrouvèrent seuls. Il était debout près de son fauteuil. Elle saisit ses deux mains dans les siennes et fixa avec anxiété ses yeux sur son visage. « Maintenant, dit-elle, par pitié, dites-moi ce que signifient vos paroles. Vous n'auriez pas dû les prononcer si vous n'étiez pas disposé à les expliquer. » Le major approcha une chaise de la sienne et s'assit à côté d'elle. « C'est vrai, Mrs. Walsingham, dit-il, mais je n'ai jamais de ma vie prononcé une parole que je ne fusse prêt à expliquer. » Et si vous voulez me promettre de m'écouter tranquillement, vous verrez que je n'ai pas fait autrement aujourd'hui que de coutume. Me le promettez-vous ? Oui. Elle ne quittait pas son visage des yeux. Ses yeux à lui étaient clairs, radieux et sereins. C'étaient les yeux d'un homme bon, qui a une conscience nette, et qui ne craint pas le jugement du monde. C'est du moins ce que les yeux du major Granville Varney eussent paru aux yeux du plus habile physionomiste. Je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous votre promesse, que je crois votre fils vivant. Mais nous sommes, tous tant que nous sommes, si sujets à l'erreur, il peut si bien se faire que nous nous trompions au moment où nous croyons avoir une certitude, que je dois vous supplier de n'accepter tout ce que je dis qu'avec une certaine réserve. « Si vous vouliez seulement parler clairement, » dit Mrs. Walsingham avec impatience. « Ma chère dame, c'est ce que je vais faire. Je vous ai dit que je croyais votre fils vivant. Je le crois en effet, mais je dois vous dire sur quel léger fondement repose cette croyance. « Léger fondement ?» répéta-t-elle avec inquiétude. « Très léger, comme vous pouvez penser, Mrs. Walsingham. J'ai une merveilleuse mémoire des visages. Que le ciel vienne en aide au déserteur que sa mauvaise chance amènerait devant le major Granville Varney. N'eût-il été que 10 jours dans mon régiment, fût-il resté absent pendant 10 années, je pourrais me rappeler chaque ligne de son visage, chaque regard de ses méchants yeux noirs. Il y a 14 ans, que je n'ai vu le visage de votre pauvre enfant. S'il est vivant, d'enfant il est devenu homme. Mais malgré ce changement, je crois fermement l'avoir vu et reconnu il y a 3 semaines. Major Varney, rappelez-vous votre promesse. Il y a 3 semaines, ma femme et moi, nous fûmes obligés d'accepter une loge au Théâtre Olympique. Notre loge était une avant-scène. Nous étions donc très rapprochés du parterre. Les stalles étaient presque entièrement vides. Et immédiatement derrière celle-ci, au premier rang du parterre, se trouvait un jeune homme. L'extrême intérêt qu'il semblait prendre à la pièce attira l'attention de ma femme. Je le regardais. Je ne crois pas au revenant, Mrs. Walsingham, où ce soir-là, j'aurais certainement cru voir l'ombre de votre fils, Sir Rupert Lissell. Le major s'arrêta. « Est-ce vrai? Est-ce possible ? » s'écria Mrs. Walsingham. « Écoutez la suite, chère madame, et jugez vous-même. » Comme je ne crois pas au revenant, je me suis dit, voilà une ressemblance extraordinaire, si extraordinaire, que je sens un désir étrange de savoir le nom de celui qui possède ce beau et pâle visage. Ce n'est pas une figure belle et pâle comme tant d'autres, et quoi qu'il puisse arriver, je veux savoir quelque chose sur son compte. J'ai un domestique très intelligent, Alfred Salamons, l'homme que vous avez vu tout à l'heure. Salamons était au parterre prêt à nous suivre à la maison. Un signe de moi le fit venir à notre loge. Je lui montrai le jeune homme. « Très bien, monsieur. Je le reconnaîtrai à sa ressemblance. »« Quelle ressemblance à Lamons ?»« Mais la ressemblance avec le jeune enfant de Lesselbrook Park, monsieur, » dit-il. « Bien, Salamons, répondis-je, car je traite toujours un bon domestique avec une bonté parfaite. Cette ressemblance est la raison pour laquelle je désire que vous sachiez qui est ce jeune homme. Suivez-le chez lui, mon digne Salamons, et tâchez d'apprendre le plus de choses que vous pourrez sur son compte. Et a-t-il découvert? Ma chère dame, vous ne vous faites pas idée de ce qu'est cet homme. Il est parvenu à suivre le jeune homme jusque dans une rue boueuse de Holken Road. Il a réussi à savoir son nom. Il s'appelle Slowgood. Son père est un prédicateur méthodiste et il habite le quartier depuis quelques années. Cela ne semble pas promettre beaucoup, mais dans tous les cas, pensais-je, j'irai voir le jeune homme. Et vous y êtes allé? Oui, j'y suis allé le lendemain. J'ai vu le père du jeune homme, le prédicateur méthodiste, le révérend Joseph Slowgood. Et qui croyez-vous que j'ai reconnu en lui? Je ne puis dire. Un vieux serviteur de Lesselwood Park, le garde, le braconnier réformé, qu'on appelait Gilbert... Gilbert... Arnold? Oui, Gilbert Arnold. Il y avait donc déjà un rapport entre l'enfant que j'avais vu à Lesselwood Park et celui que j'avais vu au théâtre. Mais quel rapport? Là est toute la question. Maintenant, vous vous souvenez peut-être, ma chère Mrs. Walsingham, qu'il y avait entre votre fils et le fils du garde une sorte de ressemblance. Vous en souvenez-vous? Le major Varney examinait le visage de la visiteuse avec une singulière attention en faisant cette question. « Je ne puis dire que je m'en sois jamais aperçu, » dit-elle avec fierté. « Je sais que plusieurs personnes en ont fait la remarque, mais je n'ai jamais moi-même trouvé la moindre ressemblance entre l'enfant d'Arnold et mon fils bien-aimé. « Vous ne le pensez pas, et vous devez être le meilleur juge. M. Slowgood ou Gilbert Arnold, ou quel que soit le nom que je lui donne, n'a pas paru le moins du monde enchanté de me voir. » Il portait un faux nom, mauvais signe. Il était fâché, effrayé de se voir reconnu. Il est même allé jusqu'à essayer de nier son identité. Quand je lui ai dit que je voulais voir son fils, il a trouvé des détours, a menti et a fini par refuser. Alors je commençais à le soupçonner. Je lui tendis un piège, je l'éloignais, et j'eus une entrevue avec le jeune homme. Pauvre enfant, pauvre innocent enfant. N'importe ce qu'il puisse être et ce qu'il paraisse être, il n'est pas le fils de Gilbert Arnold. « Oh, par pitié, parlez clairement. »« Je ne puis dire rien de plus clair que ceci, Mrs. Walsingham. Je crois que le jeune homme qui vit en ce moment avec Gilbert Arnold, l'ex-braconnier, le faux prêtre méthodiste, n'est pas son fils. Je le crois fils de parents ayant occupé un rang élevé dans le monde, et je le crois victime de quelque honteux complot au fond duquel se trouve M. Gilbert Arnold. Voilà, Mrs. Walsingham, ce que je crois. » Jusqu'à ce que vous ayez vu vous-même l'enfant, je n'en dirai pas davantage. Oh, conduisez-moi près de lui, en ce moment même, où le doute me tuera. Ma chère madame, je compte sur votre indulgence chrétienne, sur votre calme. Dans une circonstance comme celle-ci, il ne faut pas se presser. Une seule fausse démarche peut tout perdre. La patience et la prudence nous sont de toute nécessité. Souvenez-vous que nous devons combattre par la ruse des autres. Il est impossible de rien faire avant que vous n'ayez vu le jeune homme. Je me fie entièrement à votre instinct de mère. Voyez-le, parlez-lui. Examinez chacun de ses traits, chacun de ses regards, et si après cela vous me dites, Granville Varney, ce jeune homme est mon fils. Ce jeune homme est sœur Robert Lessel. Je remuerai ciel et terre pour le prouver au monde et pour le réintégrer dans ses droits. Jusque-là, il n'y a rien à faire, car ceci est notre point de départ. Maintenant, pour que vous puissiez voir le jeune homme, il faut éloigner Gilbert Arnold pendant une heure ou deux. Salamons, mon trésor, arrangera cela ce soir même, si vous voulez. Si je me suis trompé, si je vous ai causé cette douleur et cette émotion inutilement, il faudra me pardonner. Si d'un autre côté, les dernières paroles prononcées par mon pauvre ami cachaient quelque mystère étrange et que, par moi, vous arriviez à le dévoiler, si vous faites cela, je vous en aurai une reconnaissance éternelle. Mon fils sera votre fils, notre fortune, votre maison. Assez, assez, dit le major d'un ton enjoué. Je vais vous laisser, chère madame, prendre quelques heures de repos. Je vous enverrai quelques rafraîchissements et un madère spécial, qui a fait la traversée aussi souvent que votre humble serviteur. Je vous supplie de vous reposer et de prendre quelque nourriture. Vous aurez besoin de toute votre force ce soir, car souvenez-vous, que ce soir vous auriez à prendre une décision dont dépendra votre conduite future. Au revoir. » Le major prit les deux mains de Mrs. Walsingham dans les siennes et les pressa avec affection. Il avait l'air si bienveillant, si dévoué à la cause de l'innocence opprimée, que comme il tournait le dos à la fenêtre, le soleil brillant à travers ses cheveux blonds semblait entourer sa belle tête d'une auréole dorée.